Dossier 2. Leçon 2. Activité 7. Avenir Jeune se poursuit avec une petite enquête que vous avez réalisée, Fabien, au pays de Mickey, n'est-ce pas ? Oui, Caroline. Et vous allez voir que Disneyland ne signifie pas seulement distraction, mais aussi espoir de recrutement pour les jeunes qui recherchent un job. En effet, le parc de Marne-la-Vallée recrute des étudiants et leur propose un contrat sur mesure, le CDI Weekend. Ah, Mickey vient en aide aux étudiants ? C'est tout à fait ça. Le parc accueille beaucoup de monde le samedi et le dimanche, et c'est une opportunité pour les étudiants, qui, eux, ont cours en semaine, mais peuvent se libérer pour un job pendant le week-end. Les recruteurs de Disneyland leur proposent de travailler 8 heures le samedi et 8 heures le dimanche, payés au SMIC. Le job peut être dans un restaurant, une boutique ou à la billetterie, selon votre profil. 400 à 600 CDI week-end sont ainsi signés chaque année. Qui sont les meilleurs candidats pour Disney ? Ceux qui parlent le plus de langues possible. Mais sans tarder, je vous propose de regarder ces étudiants au travail dans le parc de Marne-la-Vallée.